à jamais fidèle à son mari. Maman toi, maman à bana. La préfère nanga amour na yo, na langwa nanga bolingo kulie. Écoute la nga, tina moine pinya. Saki na moine apparition yo mobi mananga. Banana et Soukatea, Yoka n'engue pas tous les stars de la favela. Aïe, bébé, maman. L'amour est mon élanaï, ma colabasse à mon élanaï, Paris, remontade. L'usole n'y a colangaï, le colac clématine n'y a colacanaïe. Colingo n'a pas la soie batte, ce qui peigne. L'amour est mon élanaï. Nokola basa mone la kana ye pari remotada e lo sole nyokola ngai lokola clematina nyokola kana ye go bolingona mana so ye bate so ki peni stabilite a papa le kube e fanda e paina yo mama tu mama ya bana mote mama nene bolingo ya papa o mona pasi dala lelo yo. Baluka bachazi zani nakati boyo zikanga sanze fe ndambazani ah sanze fe mama ngulio za oxygen tona kaso kyo zangi je pourrais résister mami je peux respirer et vivre en sécurité et en priorité selon ta fidélité la marraine nga na yebio za wanga mama. Banda mi moto atinanga na yo ndo ningana papa ya bana kanga mato ina miso pona bato likunya kanga mato ina miso boyo kabangote enza minangai bashalu batikali na Sonia mama mulio za oxygen pona nga soke zangi je pourrais resister trois minutes je peux respirer et vivre en sécurité et en priorité c'est l'autre. Un amour sans fin, béni par la puissance divine. C'est comme ça. Bisous, Nyoso. Côté les matos, côté la piste, quoi.